du säger du med hur där du skjuter bi bi bi bi bi du du du du du du du du du du du du du du du du du Thank you. Thank you. Thank you.